say otherwise. How we get with you? Faut trouver les paroles. Je reviens. C'est un morceau de mon enfance. Je cherche les paroles. She, elle me rend fou.